juste d'avoir 7 ans. Pourquoi je te vois autrement? Est-ce la peur du monde qui t'attend? Qui ne jure que par le progrès, balance entre espoir et regret, délaissant ses responsabilités. À la première calamité, on accuse d'abord le passé, et puis on rêve de sauveur de l'humanité. Perdant, il mise sur les enfants, toi laisse-les fuir en avant. Il n'y a de vie, il n'y a de vie que maintenant. Bientôt nos dirigeants seront ces gérants de fonds de pension, à en regretter les nations. Je tremble à l'idée d'assurer, dans notre façon de penser, que les rêves et l'air qu'on va respirer. À quoi bon cette course effrénée, à devenir des assistés, et puis rêver de libertés abandonnées. Perdant, il mise sur les enfants, toi laisse-les fuir en avant. Il n'y a de vie, il n'y a de vie que maintenant. Puisse un monde si savant peupler les villes artisans, freiner les banlieues face aux champs. Et pour chaque nouveau projet, une pensée proportionnée à des visages familiers. Pardonne-moi sévérité, il te reste quelques années à rêver dans ce monde enchanté. Perdant, il mise sur les enfants, toi laisse-les.